ma vie est triste son. À cause de mes mauvais souvenirs, moi, pécheur, digne de la mort, un jour, Jésus-Christ m'a consolé. En moi comme une étoile. Seigneur, je ne veux pas oublier que tu es le chemin, la joie et la vie. C'est pourquoi je te chante cette mélodie. Jésus, je t'aime parce que tu m'as aimé. Jésus, je t'aime parce que tu m'as sauvé. Jésus, je t'aime parce que Satan la rend ténébreuse. Autrefois, ce qui fait joie de notre cœur en Christ, c'est le remords et la déception. Grâce au sang versé de Jésus-Christ, nous sommes lavés et transformés. Oui, Seigneur, tu es digne de nos louanges. C'est pourquoi I love you because you love me. Jesus, I love you because you save me. Jesus, I love you because you set me free. Glory. Jésus, je t'aime parce que

Jésus, d'amour, d'amour, d'amour, d'amour, d'amour, d'amour, d'amour, d'amour, d'amour.

Yeah. Rachid Junior.